Deutéronome chapitre 22, quand tu verras le bœuf ou la brebis ou la chèvre de ton frère égaré, tu ne te cacheras point d'eux, et tu ne manqueras point de les ramener à ton frère. Que si ton frère ne demeure point près de toi, ou que tu ne le connaisses point, tu les retireras même dans ta maison, et ils seront avec toi, jusqu'à ce que ton frère les cherche, et alors tu les lui rendras. Tu feras la même chose de son âne, et tu feras ainsi de son vêtement, et tu feras ainsi de toute chose que ton frère aura perdue, et que tu auras trouvée, ayant été égaré, tu ne t'en pourras pas cacher. Si tu vois l'âne de ton frère, ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne te cacheras point d'eux, et tu ne manqueras point de les relever conjointement avec lui. La femme ne portera point l'habit d'un homme, ni l'homme ne se vêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait de telles choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Quand tu rencontreras dans un chemin, sur quelque arbre, ou sur la terre, un nid d'oiseau, ayant des petits ou des œufs, et la mère couvant les petits ou les œufs, tu ne prendras point la mère avec les petits, mais tu ne manqueras point de laisser aller la mère, et tu prendras les petits pour toi, afin que tu prospères, et que tu prolonges tes jours. Quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras des défenses tout autour de ton toit, afin que tu ne rendes point ta maison coupable de sang, si quelqu'un tombait de là. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses sortes de grains, de peur que le tout, savoir les grains, que tu auras semés, et le rapport de ta vigne, ne soit souillé. Tu ne laboureras point avec un âne, et un bœuf accouplé ensemble. Tu ne te vêtiras point d'un drap tissu de diverses matières, c'est-à-dire, de laine et de lin ensemble. Tu te feras des bandes aux quatre pans de ta robe, de laquelle tu te couvres. Quand quelqu'un aura pris une femme, et qu'après être venu vers elle, il la haïsse, et qu'il lui impute quelque chose qui donne occasion de parler en répandant contre elle quelque mauvais bruit, et disant, « J'ai pris cette femme, et quand je me suis approché d'elle, je n'ai point trouvé en elle sa virginité », alors le père et la mère de la jeune fille, prendront et produiront les marques de sa virginité devant les anciens de la ville. À la porte. Et le père de la jeune fille dira aux anciens, « J'ai donné ma fille à cet homme pour femme, et il l'a prise en haine, et voici, il lui a imposé une chose qui donne occasion de parler, disant, « Je n'ai point trouvé que ta fille fût vierge, cependant voici les marques de la virginité de ma fille, et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. » Alors les anciens de cette ville la prendront le mari, et le châtieront. Et parce qu'il aura répandu un mauvais bruit contre une vierge d'Israël, ils le condamneront à 100 pièces d'argent, lesquelles ils donneront au père de la jeune fille, et elle sera pour femme à cet homme-là, et il ne la pourra pas renvoyer, tant qu'il vivra. Mais si ce qu'il a dit, que la jeune fille ne se soit point trouvée vierge, est véritable, alors ils feront sortir la jeune fille à la porte de la maison de son père, et les gens de sa ville l'assommeront de pierres et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israël, en paillardant dans la maison de son père, et ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Quand un homme aura été trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi, et tu ôteras le mal d'Israël. Quand une jeune fille vierge sera fiancée à un homme, et que quelqu'un l'ayant trouvée dans la ville, aura couché avec elle, vous les ferez sortir tous deux à la porte de la ville, et vous les assommerez de pierres, et ils mourront, la jeune fille, parce qu'elle n'a point crié étant dans la ville, et l'homme, parce qu'il a violé la femme de son prochain, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Que si quelqu'un trouve au champ une jeune fille fiancée, et que lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle, mourra lui seul. Mais tu ne feras rien à la jeune fille n'a point commis en cela de péché digne de mort, car il en est de ce qu'il y a comme si quelqu'un s'élevait contre son prochain, et lui ôtait la vie. Parce que l'ayant trouvé au champ, la jeune fille fiancée a crié, et personne ne l'a délivrée. Quand quelqu'un trouvera une jeune fille vierge non fiancée, et la prendra, et couchera avec elle, et qu'il soit trouvé sur le fait, l'homme qui aura couché avec elle, donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et elle lui sera pour femme, parce qu'il l'a humiliée, il ne la pourra point laisser, tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, ni ne découvrira le pan de la robe de son père.